Les bains sur la neige par Henri Duvernoy. Monsieur le commissaire, il va venir, monsieur. C'est pour un cas urgent, très urgent. Allez le chercher au Renompré. Le nouveau venu se chauffa un instant, secouant son lourd manteau en poil de chèvre où la neige s'accrochait. Puis il s'assit, souffla bruyamment, et de ses gros souliers battit sur le sol une charge impatiente. Les deux gardiens le dévisageaient du coin de l'œil. Inconnu dans le pays, celui-là. Et quel motif urgent pouvait l'amener à déranger dès 8 heures du matin, monsieur le commissaire de police, préposé à la sécurité de Garleville, petite cité banlieusarde, d'un calme de béguinage? Il l'eût bien interrogé, mordu par une double curiosité provinciale et policière, mais le particulier n'avait pas l'air expansif. Il serrait dans sa main puissante un bâton d'épines, et une sorte de terre raineuse se lisait sur son visage congestionné où des poils de sanglier se hérissaient. Un bruit de chaise remuée annonça à côté l'entrée du commissaire qui ouvrit la porte de son cabinet en achevant de boutonner sa vareuse, arrachée sans doute aux ablutions matutinales par l'appel de son subordonné. « De quoi s'agit-il, monsieur ? » fit-il assez durement, quand l'intrus fut dans son cabinet. L'inconnu, sans répondre, prit une chaise. « Vous permettez ? » ?»« Je me nomme Charles Ledru. Je suis propriétaire d'une villa sise à Garleville, au bas de la côte du rempart, la villa Mont-Hélène. Vous ne me connaissez pas. Cela n'a rien d'extraordinaire vu que je suis dans le pays depuis 8 jours seulement. J'ai acheté la villa Mont-Hélène à son ancien propriétaire, M. Hippolyte Beignet, il y a 2 ans environ. J'avais l'espoir de m'y reposer. Les affaires en ont décidé autrement. Au lendemain du jour où je devenais propriétaire de la villa, une dépêche de Buenos Aires m'apprenait qu'une succursale de ma maison périclitait gravement par suite de l'impéritie et de la déloyauté de mon associé. Je ne vois pas. Je restai à Buenos Aires 2 ans, le temps de remettre l'affaire sur ses pattes et de la céder. Puis je revins. Pendant mon absence, j'avais simplement fermé la villa, confiant les clés à un brave homme de mes voisins, le père Brock. Comme vous le savez, la villa Mont-Hélène est la plus importante du pays. La maison est assez petite, mais il y a un grand parc, un beau jardin, bref, environ 7 hectares d'un seul tenant. Je connais assez mal les êtres de ma propriété, n'y étant que depuis une semaine, ayant amené avec moi un domestique étranger au pays. L'ancien concierge de la villa était mort peu de temps avant que je l'achetasse. M. Charles Ledru prit un temps, puis il ajouta. « Eh bien, monsieur le commissaire, depuis 8 jours, sans que je puisse deviner par où ils viennent ni par où ils s'en vont, des gens entrent chez moi, j'en ai la certitude. Vous avez été volé ? Non. » Votre prédécesseur, M. Hippolyte Beignet, ne vous avait signalé aucun bruit suspect, aucune particularité? Aucune. Il avait vécu avec sa femme près de 40 années dans cette villa. M. Beignet, qui était un professeur de mœurs parfaitement paisible, n'eût pas séjourné ainsi dans une maison hantée. D'ailleurs, la maison n'est pas hantée, elle est visitée par des êtres mystérieux. Rien n'a disparu dans votre jardin? Rien. Alors? Alors j'ai peur. D'autant plus peur que des recherches minutieuses n'ont amené aucun résultat. J'ai fouillé tous les coins et recoins. Mais quels sont les indices qui vous permettent de supposer qu'on entre frauduleusement chez vous? Je ne suppose pas, je suis sûr. Nous sommes aujourd'hui lundi. Dimanche dernier, je fus surpris du silence de mon chien. C'est un dogue féroce que j'appelle Thor. La voix de M. Ledru s'affaiblit d'épouvante. Thor, à qui on a fait boire ou manger je ne sais quoi, est tombé dans une douceur abrutie. Il accueille avec des petits soupirs flûtés, des léchades éperdues et la queue battante les fournisseurs, les gens en blouse après lesquels il aboyait furieusement jadis quand il ne les mordait pas. Au reste, il ne semble pas malade. C'est tout. Jeudi dernier, continua M. Ledru, je ne pouvais trouver le sommeil. Je fumais une pipe en regardant les étoiles quand j'entendis des voix sous ma fenêtre. Des voix. Et je ne suis ni un fou ni un halluciné. 1000 millions de tonnerres, regardez-moi. Je n'ai pas l'air d'une femmelette. Je donne l'éveil à mon domestique, nous descendons le fusil à la main et nous furetons partout, jusqu'au petit jour. Rien. Et j'avais entendu des voix, j'en jurerais. Le lendemain, mon domestique, Jean et moi, résolûmes de veiller. Vers 11 heures, nous percevons un bruit de pas léger, léger. Je ne crois pas aux fantômes, monsieur le commissaire, et j'estime qu'avec un bon fusil, on a raison des revenants. Mais c'est pas, nous les avons entendus près de nous. Mon domestique en témoignera. Nous avons de nouveau cherché vainement. Je m'étais résolu à ne pas ébruiter cette affaire quand, ce matin, un incident plus grave est survenu. À 6 heures, Jean pénètre dans ma chambre et m'éveille. « Monsieur, me dit-il, je ne reste pas 1 heure de plus ici. Nous allons être tués, pour sûr. » Je le secoue. « Allons, tu rêves. Qu'y a-t-il ? » Il me répond, « Il y a des pas sur la neige. » Je me lève, je le suis, et il me montre, sur la neige lisse comme un tapis, les marques nettes de 4 pieds humains. Ces marques partaient d'un buisson derrière lequel on jette les ordures, les pots cassés. Il n'y a nulle porte à cet endroit, et le mur est hérissé de tessons de bouteilles. Ils allaient jusqu'à la maison et revenaient par un chemin parallèle. C'est extraordinaire. À l'intérieur de la maison, rien de suspect. Rien. La porte était fermée à double tour et je n'ai pu constater la moindre trace d'effraction. Diable, diable, dit le commissaire. Voilà une affaire bien compliquée. Le temps de passer un veston, des bottines et je suis à vous. J'ai un gardien très adroit qui nous accompagnera. Renom prêt ? L'homme parut avec une tête bonasse d'invalide à moustache blanche sous le képi galonné. Renom prêt, vous nous accompagnerez. Monsieur, je vous demande une seconde. Mais. Fit M. Ledru impatienté. Le temps presse. Songez que le soleil brille et que la neige peut fondre. Mon break est en bas. Le commissaire resta absent 10 minutes, au bout desquelles il revint en redingote, coiffé d'un feutre mou, une serviette sous le bras. Ils partirent. M. Ledru conduisait lui-même son vigoureux cheval normand qu'il cinglait d'une poigne furibonde. Il était envahi par une peur grandissante que ne calmait ni la présence du pacifique commissaire, ni celle de son paternel gardien. Ce dernier, pour rompre le silence pesant, déclara « Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il n'y a pas d'apache. Nous n'avions qu'un voyou, le fils de la crémière, mais l'a hérité de 72 000 francs. Elle lui a acheté une boutique de fruiterie dans le Pays basque. Ce serait à croire qu'il serait revenu. » M. Ledru haussa les épaules. On était arrivé. Sur la grille se lisaient ces mots peints en lettres bleues sur fond rose « Mon Hélène ». On ne lisait que difficilement les caractères délayés par tant de pluie, rongés par tant de rayons ardents. Les hommes traversèrent une sorte de parc à l'anglaise où ils enfonçaient dans une boue épaisse. « Ces messieurs trop tardés, » fit le domestique. « La neige est fondue. On ne pourra pas voir les traces. » M. Ledru lâcha un épouvantable juron. « Avez-vous pensé à les mesurer, au moins ? Non, monsieur. Vous êtes un crétin. M'entendez-vous ? Une brute !» Le commissaire intervint. « Il y a encore de la neige dans l'air, de sorte que s'ils reviennent. »« Et si je suis assassiné ?» s'exclama M. Ledru. « Je vous laisserai renombrer ici toute la nuit. » Ils entreprirent immédiatement de minutieuses investigations, au bout desquelles le commissaire qui marchait en avant se baissa, se releva et se retourna, pâle d'émotion. « Je tiens quelque chose. » Il montrait un lambeau de dentelle noire qui était resté accroché à un fusain. « Ceci, dit-il, appartient à une femme. Un de nos deux X est du sexe féminin. Nous avons déjà fait un pas. Renom prêt, vous garderez la surveillance toute la nuit et demain matin, je viendrai aux nouvelles. » Le commissaire prit congé. L'agent Renom prêt eut un sourire. « Il va boire son café au lait. Quand il ne boit pas son café au lait, il est malade. Il n'est pas habitué à être dérangé. Garleville est si calme. Une ville du bon Dieu, quoi. N'est-elle le fils de la crémière ? Et encore, le voilà établi. » M. Ledru n'en put supporter davantage. Il monta dans son cabinet de travail, où il fumait à l'ordinaire d'innombrables pipes, les pieds posés sur de commodes in folio. Mais la pipe qu'il commença lui parut d'un goût détestable. Non pas que M. Ledru fût poltron, mais le mystère l'épouvantait. Propre à tenir en respect une demi-douzaine de malandrins, il redoutait la nuit, fertile en cauchemar, où revenaient les bruits de pas et des voix où il voyait, noir sur la neige l'Iliale, les traces d'être venu pour le tuer. Vers 6 heures du soir, les flocons se mirent à tomber, plus fort que la veille. Jean s'était posté au rez-de-chaussée, l'agent renombré au premier. Quant à M. Ledru, mal à l'aise, il avait ordonné qu'on vînt le chercher si l'on découvrait quelque chose de suspect, et il s'était étendu sur un divan. À 11 heures, des pas dans son escalier le firent sursauter. Il hurla. « Qui va là ?»« Ne tirez pas, pour l'amour de Dieu, je suis Jean, votre domestique. » Je viens d'entendre des voix, on chuchotait, comme l'autre soir. » Ils descendirent consulter l'agent qui déclara n'avoir rien entendu. Mais les 3 hommes frissonnaient. Ils décidèrent de rester ensemble au rez-de-chaussée. Ils ouvrirent lentement la fenêtre et les volets se mirent au fond de la pièce obscure. C'était une de ces nuits pures et froides qui font étinceler la neige sous la palpitation des étoiles. Nul bruit. Ils attendaient. Remués au fond de l'âme par la magie du ciel éblouissant et la splendeur vierge de la neige. Un arbre éclairé par la lune miroitait et ses grands bras chargés de neige ouvraient dans la lumière leurs gestes désespérés. Les 12 coups de minuit sonnèrent, ou plutôt l'heure frémit, lointaine, douce, comme ouatée, une plainte enfantine et sanglotante dans le grand calme de la nuit. « Là, là !» fit le gardien d'une voix étranglée. C'était le chien. On lui ouvrit la porte. « Pour ce qui nous sert, inutile de le laisser geler au dehors, » dit M. Ledru. Thor s'ébroua. Sa queue battait les meubles et il laissait échapper des petits gémissements de joie. Il semblait étouffé de bonheur et de douceur. M. Ledru, agacé, lui donna un coup de pied. Le chien se coucha en rond. On l'entendit bientôt ronfler comme un homme. Et les heures coulèrent. L'aurore parut. Elle fut soudaine et d'un éclat tel que c'était à se croire au premier temps du monde, à l'éveil de la première aube sur la terre candide. Le parc s'étala, d'une beauté royale dans sa parure de fiancée morte, et les étoiles s'effacèrent au ciel pâle. Les trois hommes exténués s'étaient endormis. Un coup de sonnette les réveilla en sursaut. Jean courut ouvrir et l'agent Renon Pré reçut son chef sur le perron. « Rien de nouveau, monsieur le commissaire, » dit-il réglementairement, en se frottant les yeux. Monsieur Ledru parut à son tour. « Pas de nouveau ?» dit le commissaire. « Regardez, il y a encore des traces de pas sur la neige. Ce sont les mêmes que l'autre fois, mais il n'y a pas de retour, donc les individus sont encore ici. Certaines de ces empreintes décèlent des pieds d'homme, d'autres viennent d'un enfant ou d'une femme. D'une femme chaussée de talons Louis XV, celle-là même qui laissa après un arbuste un bout de dentelle noire. Cherchons. » Mais les investigations furent vaines. Les hommes revinrent au rez-de-chaussée. Le commissaire fut d'avis de patienter encore. Ils attendirent, réfléchissant, dans un silence qu'alourdissait encore la neige. Et soudain ils entendirent, comme venant des profondeurs de la terre, cristallines et sourdes à la fois, les notes d'un vieil air. On jouait du piano. Monsieur Ledru, le commissaire, Jean et Renon Pré se regardèrent, croyant chacun être victime d'une hallucination. L'air s'arrêta, puis reprit, si faible, presque imperceptible. Mais le silence le répercutait, et cette chanson épuisée, d'une tristesse vaincue, semblait empire la campagne. « Cela vient d'ici, » murmura le commissaire. « Visitons la maison. Où avez-vous un piano ? Attendez, » dit M. Ledru bégayant. « Je n'en ai pas... Si, oui, un ancien piano cassé, dans une chambre abandonnée. Allons-y, » proposa le commissaire. Le cœur battant, ils traversèrent le corridor. Le commissaire tourna le bouton de la porte. Il ne put rien distinguer d'abord, puis entendit son cri de triomphe. « Nous les tenons !» Une voix faible répondit. « Nous nous rendons, messieurs. Ne nous faites pas de mal. » Jean ouvrit la fenêtre et les volets. Alors ils virent un spectacle stupéfiant. Un inoffensif vieillard, proprement vêtu, dont les longs cheveux blancs encadraient un visage austère et souffreteux, protégeait sa compagne, une pauvre petite vieille, vêtue d'une robe de dentelle noire et qui se cachait le visage. « Attendez donc, » fit M. Ledru, « mais je vous reconnais, vous êtes... » La vieille dame sanglota. « Quels sont ces gens? Que nous veulent-ils ? » « Hélène, » dit le vieillard en aidant sa compagne à se lever, « avec quelle précaution, avec quelle tendresse !»« Hélène, ces messieurs nous ne veulent aucun mal. » Mais elle continua à gémir. « ces gens chez nous ?»« Je t'expliquerai tout à l'heure. » Attends-moi un instant dans la pièce voisine, j'ai un mot à dire à ces messieurs. » D'un geste d'indicible amour, il prit sa pauvre vieille compagne par la taille, l'amenant avec des précautions infinies. « Prends bien garde, ma chérie. » Les hommes se regardèrent, émus, et le vieillard revint seul. « Monsieur Ledru m'a reconnu, » dit-il simplement. « Je suis Hippolyte Beignet, professeur, ancien propriétaire de cette villa. » « Vous ne pouvez vous imaginer, messieurs, ce qu'a été cette maison pour nous. On l'a construite quand nous n'étions que fiancés. Nous y sommes entrés mariés en 1867. Je l'appelais mon Hélène, du nom de ma femme. Alors, quand il a fallu vendre, quand il a fallu quitter ces murs entre lesquels nous avions vécu 40 années de bonheur, vous pouvez vous imaginer, messieurs, quel arrachement. Hélène a perdu doucement la raison. Elle a oublié notre ruine. Elle a voulu revenir ici, chez nous. » disait-elle. « Chez nous, messieurs, cela me crevait le cœur. Nous sommes venus, nous avons poussé une petite porte connue de nous seuls, et nous sommes entrés chez nous. Vous étiez absent, monsieur Ledru. Je jouais cette comédie en tremblant, mais Hélène était si heureuse. Elle jouait sur notre piano, qui est maintenant votre piano, tous nos airs d'autrefois. Je pleurais, c'était très doux. Cela valait bien de risquer un coup de fusil comme un malfaiteur. Votre chien ne nous a fait aucun mal, monsieur Ledru. On nous dit qu'il comprenait que nous étions chez nous. Il nous léchait les mains. Maintenant nous sommes découverts. Est-ce que vous allez nous envoyer en prison ? Le commissaire retira son chapeau. « Monsieur, dit-il d'une voix tremblante, vous êtes libre. » Le vieillard salua. « Je vous remercie, messieurs. » Puis il passa dans la pièce voisine. On l'entendit qui disait. « Nous allons rentrer. Le médecin t'interdit la campagne en hiver. Il fait trop froid. Voyons, trop froid. » Et bientôt, les quatre hommes voyaient dans le grand parc enseveli sous la neige le vieux couple qui s'éloignait lentement. Ainsi s'achève « Les pas sur la neige » par Henri Duvernois.